بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة الحديد في المسألة 80 بعد المئة 180 مسألة في قوله تعالى ثم استوى على العرش dans le sens où Allah dit puis il s'instaura sur le arche, sur le trône. الحديد verset 4 ne pas confondre الكرسي والعرش car souvent les gens dans les Coran où ils traduisent les sens en français, ils appellent Ayat al-Kursi, ils l'appellent le verset du trône. Et c'est une erreur. Le Kursi, comme l'a dit Ibn Abbas, c'est le marche-pied. Et le Arsh, c'est lui le trône. Et le Arsh est bien plus immense que le Kursi. Et le Arsh, c'est la plus grande des créatures d'Allah Azzawajal. Donc ne pas confondre entre les deux, car souvent dans la traduction, on peut voir des choses qui sont des erreurs. Tayyib. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. يدل على أنه تعالى مستوٍ على عرشه عالٍ على جميع خلقه وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم يوهي مخلف ذلك. Donc l'auteur a dit que ce verset démontre que Allah Azzawajal est instauré sur son trône au-dessus de toute la création. Et dans sa parole, dans le sens où il dit et qu'il est avec vous où que vous soyez, cela laisse entendre le contraire, laisse croire que Allah est avec toute sa création partout avec elle. Et ça, c'est ce qu'on appelle el-hulul. C'est une croyance qui est du kouf de dire que Allah est dans sa création. Ça, c'est une masala qu'on cite souvent dans les kutub de Aqidah. D'accord ? Qui est répétée dans d'autres kutub, dans d'autres qu'on a fait. Mais là, alhamdoulilah, l'auteur va la citer quand même. قال والجواب أنه تعالى مستوين على عرشه كما قال بلا كيف ولا تشبيه استواء لائقا بكماله وجلاله وجميع الخلائق في يده أسخر من حبة الخردل فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا فلا منافة بين علوه على عرشه ومعيته الجميع الخلائق. Donc la réponse, c'est simplement que Allah, comme il l'a dit dans le verset, il est sur son trône. Et cela sans comment, c'est-à-dire un comment qui nous soit connu à nous. Il y a un comment, mais le comment pour nous, la créature, nous est inconnu. Sans ressembler à sa créature. Il est instauré d'une façon qui lui revient à lui, qui lui convient à lui, selon sa splendeur et son immensité, que nous pouvons cerner. Et que toute la création, toutes les créatures, sont dans sa main encore plus petites qu'un grain de moutarde. Donc lui, il entoure toute sa création de façon parfaite, avec la science complète. Il sait tout ce qui se passe et la capacité totale. Donc il n'y a aucune contradiction entre son élévation sur son trône et le fait qu'il soit avec sa création, d'accord ? Car cela a lieu avec quoi ? Avec sa science, comme vous le savez. قال أرَتَرَ وَاللَّهُ أَلَتَرَ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى أَنَّ أَحَدَنَا لَوْ جَعَلَ فِي يَدِهِ حَبَّةً مِنْ خَرْدَلٍ أَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا فِي شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ تِلْكَ الْحَبَّةِ مَعَ أَنَّهُ مُحِيطٌ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا وَمَعَ جَمِيعِ أَجْزَائِهَا. Ne vois-tu pas ? Et Allah a, c'est-à-dire qu'il a les meilleures sifat, que l'un d'entre nous, s'il mettait dans sa main un grain de moutarde, est-ce que cela le ferait rentrer dans une partie de ce grain ? Alors que lui-même entoure toute cette graine. Est-ce que cela veut dire qu'il est dans la graine ? Sûrement pas. Quand Allah wa samawatu wa al-ardu wa man fihima fi yadihi ta'ala asraru min habati al-khardal fi yadi ahadina walau al-mathal al-a'la subhanahu wa ta'ala uluwan kabira. فهو أقرب إلى واحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده مع أنه مستوى على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا. Donc il dit les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent sont dans sa main plus petite qu'un grain de moutarde dans la main de l'un d'entre nous, et que Allah a la meilleure description, les meilleures sifat, et qu'il est plus proche de nous que l'un d'entre nous au règne de sa monture, voire même plus proche de nous que l'un d'entre nous avec sa propre veine jugulaire. Et tout malgré cela, il est sur son arche, au-dessus de sa création. Et rien ne lui échappe des œuvres de quiconque. Tout son, tout bruit, tout mouvement, rien ne lui échappe. Subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de munafa entre les deux, et le kayf, on n'a pas à le connaître. Le kayf, le comment de tout cela, ne nous revient pas à nous. فهذه هي المسألة في هذا المبحث والعلم عند الله تعالى والحمد لله رب العالمين.